mon humeur. Je me verrai très bien passager clandestin dans la cale d'un vieux ravion en route pour Macao, planqué au fond d'un avion de Jumbo, vol de nuit sur Bornéo. Oh, je me verrai très bien passager clandestin. Je me verrai passager clandestin sur un vieux dragueur de mille en pleine mer de Chine, dans un taxi à hélice, c'est pas triste, dans l'orage qui déménage. Oh, je me verrai très bien passager clandestin. Aller là-bas où nul ne va, où le rêve est loin. Je me verrai très bien passager clandestin, pirate de l'air des navettes dans la guerre des planètes, cosmonaute d'une galaxie oubliée, chanteur spatial égaré. Oh, je me verrai très bien passager clandestin. Je me verrai très bien passager clandestin sur un vieux dragueur de mille en pleine mer de Chine, dans un taxi à hélice, c'est pas triste, dans l'orage qui déménage. Oh, je me verrai très bien passager clandestin. Je me verrai très bien passager.